الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إن شاء الله تعالى, on va essayer de faire un résumé de notre mois de Cheikh. Un petit résumé, إن شاء الله تعالى. Le Cheikh, حفظه الله, il a parlé d'un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Qu'Abu Huraira radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fils d'Adam il est mort. Ses actes sont terminés sur trois choses. Ce hadith est très important de savoir. Salam nous dit quand le fils d'Adam il est mort, tous ses actes sont terminés sur trois choses. Il a mentionné la première chose, une aumône qui est continue après sa mort, une science étude et un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Et le Cheikh a donné des leçons à tirer de ce hadith. La première leçon à tirer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fils d'Adam il est mort. Ça nous rappelle la mort. Ça nous rappelle que chacun de nous va mourir. Le Cheikh a dit, quand on se rappelle de la mort, il faut se préparer. Personne ne sera éternel. Chacun il a un temps précis qui va arriver dans ce bas monde et après il sera mort. Il a dit que ses actes, dans le hadith, ses actes sont arrêtés. Et l'acte, comme le Cheikh l'a dit, l'acte, c'est l'acte qui est sincère à Allah Azza wa Jal et qui est la suite de la sunna du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le bon acte, l'acte qu'Allah Azza wa Jal accepte, et c'est lui qui est sincère à Allah Azza wa Jal et qui est suivi à la sunna du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit sauf trois choses. Ça veut dire qu'après la mort de la personne, tout s'arrête, sauf trois choses qui vont continuer après sa mort. Ça veut dire qu'il aura la récompense après sa mort. Même quand il est mort, il aura la récompense sur ces trois choses. La première, dans le hadith, c'est mentionné une aumône continue. Comme quoi, comme construire des mosquées, construire des hôpitaux, construire des orphelins pour les orphelins. Laisser des maisons pour ton labeler, et ainsi de suite. Tout ça, quand la personne est mort, après sa mort, les hasanats tombent dans son compte. Pourquoi ? Parce que c'est une demande qui est continue. Ce n'est pas comme si tu donnes à nourrir un pauvre ou donner l'argent à quelqu'un, ça s'arrête. Mais ça, c'est une demande qui est continue après ta mort. Après, dans le hadith, il a mentionné aussi une science utile. Et ça nous pousse à apprendre de la science. Ça nous pousse à apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que cette science, elle sera utile pour nous après notre mort. Après qu'on est mort, celui qui a appris la science et qui l'a appris aux gens, il aura dit hasanat. Admettons quelqu'un qui l'a appris juste le Fatiha et qui l'a appris à un autre, et cette personne l'a appris à un autre, et ainsi de suite, ben le premier personne, il aura la récompense de toute cette personne-là. Pourquoi ? Parce que la vraie Fatiha. Et Cheikh l'a dit, une science utile, ce n'est pas avoir toute la science de la religion. Je peux, comme il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa la aya. Ça transmettre de ma part, même un seul verset. Pourquoi ? Parce qu'il a une grande récompense. Et ça, des fois, malheureusement, on néglige. Alors, dans le hadith, il nous cite à apprendre de la science et à apprendre un hadith. Et apprendre un verset et le donner aux gens, comme ça on aura de la récompense. La troisième chose qui est mentionnée dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi ? Il a dit un enfant pieux qui invoque Allah azza wa jal pour toi. Et le Cheikh a dit que la personne il doit d'abord préparer pour lui, il doit se protéger lui avant ses enfants et avant sa famille. D'abord lui, et après les enfants et après la famille. Il a dit un enfant, que ce soit garçon ou fille, un enfant pieux, il a dit qu'il invoque Allah Azza wa Jal pour toi après ta mort. Le Cheikh il a dit que la meilleure chose qu'un enfant fait pour ses parents, si ses parents ne sont pas là, c'est le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal pour lui. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa barakallahu fikum.